À l'occasion de la Journée des Soleils, les titres académiques et universitaires sont remis aux intellectuels qui ont contribué beaucoup au développement économique du pays et à l'amélioration de la vie de la population. À la cérémonie de remise tenue le 11 avril, ont pris part le vice-premier ministre Chen Guangho et les intellectuels. À la suite de la lecture de la résolution du comité de collation des titres académiques et universitaires, Moon Hong, chef de bureau de l'Académie nationale des sciences, et Kim Chi-yong, directeur du Centre de recherche agronomique, ont reçu le titre d'académicien. Xin Yong-jul, chef de bureau de l'Institut de la médecine de Pyongyang de l'Université Kim Il-sung et autres savants, le titre d'académicien par correspondance, et de nombreux autres intellectuels, les titres de professeur, de docteur, de professeur adjoint et de maîtrise.